Amis chasseurs, vous êtes prêts pour votre sport favori? Le magasin Ferlac de Dolbeau-Mistassini a tout ce qu'il faut pour une recette gagnante. La pierre de sel, 9,99 le 20 kg ou 8,99 à l'achat de 3. Le sel de chasse de marque ProParc, 7,99 le 20 kg ou 3 sacs pour 17,99. Le magasin Ferlac, 727 boulevard Vézina, 418-276-3918. Toute l'équipe du magasin Ferlac souhaite à tous les chasseurs la meilleure saison de chasse possible. On va commencer quelques chroniques de chasse. C'est la période de la chasse actuellement et on sait qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean et plus particulièrement au Lac-Saint-Jean, c'est extrêmement populaire la chasse. Et moi, je suis pas un chasseur, à vrai dire, et j'aime pas ça non plus. Mais j'ai trouvé quelqu'un que j'avais entendu à Radio X à Québec, puis c'était diffusé ici au Saguenay également. C'est Claude Roy, qui est un passionné de chasse, un passionné de pêche. Et durant les prochaines semaines, il va nous parler de la chasse. Il va nous parler un peu des trucs pour la chasse à l'Orignal et ainsi de suite. Salut Claude! Bonjour, ça va bien tout le monde? Ça va bien Claude. Je suis bien content de t'avoir. Je t'écoutais à Radio X. C'était surtout des commentaires politiques parce qu'il faut que les gens sachent que tu es un ancien député. Sauf que tu es également un passionné de chasse et de pêche. Puis c'est pas mal le fun. Puis tu es un bon communicateur. C'est ça qui est le fun également. Là. Écoute, je te remercie infiniment. Ça, c'est un peu le résultat des 25 ans d'émissions de télévision que j'ai fait avec mon fils Mathieu dans le domaine de la chasse et de la pêche. Donc, on avait une émission qui s'appelait Rendez-vous chasse et pêche, okay, qui a duré pendant tout près de 25 ans. Oh. Une heure par semaine, 35 semaines par année. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets ont été traités pendant ces années-là. Et on va recommencer dans la prochaine année. Des chroniques web là, sur la chasse et la pêche. OK, ben tant mieux. Hey, parle-moi de la chasse maintenant. C'est ici, c'est beaucoup les orignaux, ici, au lac Saint-Jean. Tu connais le territoire un peu, parce que je pense que tu vas même à Chepougamau, des fois, chasser aussi. C'est ça, je connais bien la région. Ouais. OK, donc, dis-moi, Claude, est-ce que c'est une bonne année? Est-ce qu'on prévoit une bonne année du côté de la chasse? Bon, écoute, premièrement, c'est... quand on parle du cheptel, j'embarquerai pas dans les règlements, tu vas prendre une chose, c'est que quand on parle des règlements, maintenant, c'est tellement complexe que si on donne une information qui a été erronée pour une zone, ben, je vais me mettre dans le trou. Donc, okay. De ce côté-là, il faut que les gens aillent voir la réglementation attribuable à leur zone de chasse et bien sûr, les restrictions qui sont stipulées dans leur zone de chasse. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est important. On va mettre ça tout de suite en contexte parce que si on dit quelque chose puis que c'est pas dans leur zone, ben, à ce moment-là, on va se mettre dans le trouble, autant toi comme moi. Ouais, ouais. Donc, la réglementation, j'en parlerai pas. Je vais laisser les gens aller voir sur le site du ministère. C'est déjà assez compliqué comme ça de s'y retrouver, savoir qu'est-ce qu'on a le droit de chasser, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de chasser. Okay. Et au niveau de l'Orignal, ce qui fait spécial depuis plusieurs années, c'est justement la température qu'on a présentement. Il faut comprendre, on va donner un petit truc de chasse aujourd'hui, un des premiers trucs, c'est si on tue un orignal ou n'importe quel gibier dans une période où il fait chaud, et bien sûr, on doit savoir qu'il faut pendre notre gibier le plus rapidement possible après l'avoir abattu. On commence pas à traîner ça sur des coffres d'automobile, là, sur les têtes, les toits, ça aussi, je vais en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que dès qu'on a ouvert notre bête et qu'on a éviscéré notre bête, on la lave délicatement avec de l'eau, pas à grande dose, mais juste enlever les résidus. Et une fois que c'est fait, apportez-vous du poivre. Donc, okay, on va chez n'importe quelle grande surface, on va aller chercher du poivre en grain et on va poivrer l'intérieur de notre bête. On va faire ça pourquoi? Dans une période où il fait chaud, on avait recours à cette technique-là quand on allait dans le nord chasser le caribou d'automne, où en réalité, on tombait sur des journées de 20, 25, 30 degrés, même dans le Grand Nord. Mm. Et là, du moment qu'on rouvre la bête, les mouches s'installent à l'intérieur, déposent leurs œufs, et là, on va perdre notre viande. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est, de un, si on tue notre bête, même si on a une semaine de vacances, on se dépêche de sortir ça de dans le bois. On la cache pas sous une barge de plastique, parce que bien des fois, les gens vont faire ça. On va dire, on va la cacher... C'est une base de plastique. On essaie d'ouvrir les pattes le plus grand possible, c'est-à-dire qu'on coupe toutes les os qu'on peut couper pour être capable d'ouvrir notre bête pour la faire sécher. On la poivre abondamment et on se dépêche de l'importer au frigidaire. Parce que Oui, c'est correct. En forêt, il peut y avoir des zones où ça va être un peu plus frais. On va la prendre pendant la nuit, la viande va avoir le temps de rafraîchir. Et dès que le soleil va se lever, si on essaie de garder, si on essaie de rester dans le bois, parce qu'on avait une semaine de vacances, on a tué la première heure de la première journée de chasse, mais malheureusement, notre voyage, il faut que quelqu'un se sacrifie pour aller porter cette viande-là suite au réfrigérateur le plus proche, parce que sans ça, on va perdre la viande. Mais à notre temps, entre-temps, au moins, poivrez-la beaucoup, beaucoup, beaucoup, pour être sûr que les mouches ne déposent pas les œufs à l'intérieur de la viande. Allez, dis-moi, une température comme en fin de semaine, on annonce 30 degrés, je sais pas, je sais que j'ai vu dans le coin de Montréal, 30 degrés. Plus c'est chaud, j'imagine, plus c'est encore dangereux. 30 degrés à fin septembre, je me rappelle plus d'avoir vu ça. Ben, on a vu ça depuis quelques années, c'est juste parce qu'on a une mémoire assez sélective. Mais depuis quelques années, on a ces températures-là dans le temps de la chasse à l'orignal. Okay. C'est ce qui est devenu problématique parce que, justement, toutes les zones au Québec où la chasse est permise, ben, on a le même problème où il va falloir que quelqu'un du groupe se sacrifie. Parce que, tu sais, la période de chasse, en Abitibi, par exemple, je vais donner ça comme exemple, à un certain moment donné, les écoles fermaient à l'ouverture de la chasse à l'orignal parce que les parents amenaient leurs enfants avec eux. Okay. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans certains territoires, c'est exactement la même situation qui va se passer. Les écoles ne fermeront pas, mais il va y avoir un taux d'absentéisme vraiment important parce que les parents, les pères disent aux jeunes, « Hey, vous embarquez avec moi, puis aujourd'hui avec les filles, ça aussi, c'est un autre phénomène. Il y a de plus en plus de femmes à la chasse. On est au-delà de 40% de permis de chasse vendus aux femmes, donc c'est plus vrai que c'est un sport d'hommes. Okay. Et les femmes, c'est plus vrai que les veuves de la chasse dans le temps de la chasse. Là. C'est maintenant, les femmes chassent autant que les hommes, sont même meilleures dans certaines des situations. Donc, il faut absolument qu'on parle, même si toi, tu ne pratiques pas, ça reste un sport qui est encore une fois très, très, très populaire. Et la chasse à l'orignal, plus que les autres, pour la grosseur de la bête, pour l'excitation du moment. Okay. La chasse, depuis quelques années, c'est tout le temps pareil. Il fait toujours chaud dans le début de la chasse à l'orignal. Ouais. Et Claude, tu parles de femmes, tu parles de instituts. Est-ce qu'il y a une relève du côté de la chasse? Est-ce que les jeunes, là, parce que j'ai l'impression, est-ce que ça chasse autant du côté des jeunes? Non, c'est ça, c'est malheureusement autant au niveau de la pêche que de la chasse, on a un problème au niveau de la relève. Parce que les jeunes sont branchés sur leur ordinateur, sur leur tablette, et ils sortent plus dehors, on le sait. Les parents ont délaissé, certains parents qui étaient adeptes de la chasse avec la réglementation, le contrôle des armes à feu, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait contre la chasse au Québec, avec tous les groupes d'anti-chasseurs, à ce moment-là, la relève n'est plus là. Mm. La seule relève qu'on a, c'est la femme. Ah, okay. La femme, c'était la seule relève. Ils détiennent maintenant plus de 40% des permis de chasse. Donc, si on n'avait pas la femme, la chasse s'éliminerait toute seule. Parce que en réalité, ce sont tous les bébés boomers, les gens de 40, 50, 60 ans qui sont des chasseurs. Les jeunes chasseurs, ils voient leurs oncles, leurs pères, leurs grands-pères chasser. Peut-être qu'eux autres vont dire, ben viens avec moi, on va partager cette science-là. Mais la science qu'on partageait avant, on la partage plus. C'est une question de passion, c'est un party, c'est une vacance qu'on va prendre dans le bois. On va aller s'isoler pour prétexte de faire de la chasse à l'orignal dans bien des cas, mais il n'y a pas de relève. Malheureusement, il n'y en a pas. Et c'est toute la relève en pourvoirie, chasse ou pêche, passe par la femme. OK. Ben, c'est fort intéressant, Claude. Gros merci. On s'en reparle vendredi prochain. Ben, ça me fait bien plaisir. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, je l'ai vu sur Facebook. Ouais. Gênez-vous pas. Envoyez vos que les gens t'envoient les questions, puis tu pourras me les poser dans les prochaines semaines. Moi, je suis pas terrible là-dedans, je te dis tout de suite, mais c'est pas grave, c'est intéressant pareil. Puis, je fais pas de la radio pour les autres. Je fais de la radio pour les autres, je fais pas de la radio pour moi. Merci beaucoup, j'apprécie le moment, puis on va essayer de te donner le plus de renseignements possible. Notre spécialiste de chasse, Claude Roy.